Allez, on est de nouveau à l'émission Tranche d'un art avec le sujet, c'est le Union, c'est vraiment mal, hein, Union Liberté. Union Communiste Liberté. À ne pas confondre avec l'Union Saint-Gilloise. Oui, c'est ça, avec toutes les unions. ok, oui, donc le changement de nom peut-être. ouais. Pourquoi on a changé de nom ? Ouais. Alors, c'est un changement de nom qui s'est fait en juin dernier. Et donc, en fait, ça résulte d'un processus qui a pris plus d'un an. Donc, il faut savoir que, anciennement, c'était Alternative Libertaire. Mm-hmm. Et l'autre organisation à qui on a... En fait, on n'a pas fusionné. L'objectif, c'était de dépasser les deux organisations et de créer une nouvelle organisation. Ce n'était pas une simple fusion. Donc, l'autre organisation, c'était la coordination des groupes anarchistes. Alors, c'est deux organisations françaises. Et nous, historiquement, nous, on s'est lancé en tant que groupe collectif bruxellois d'Alternative Libertaire en mars 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, comme groupe bruxellois, même membre d'une fédération qui est essentiellement sur le territoire français, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on s'est lancé, en fait, on n'avait pas envie de partir de rien, etc. Et on a eu des contacts avec Alternative Libertaire et ils nous ont proposé de créer un groupe local. Ce qui nous arrangeait au sens où, ils ont quand même beaucoup d'expérience, etc. En termes de tradition anarchiste organisée. Ils ont des ressources, il y a une organisation derrière, etc. Et donc, on fait partie de cette fédération-là. Maintenant, le processus qu'il y a eu de fusion entre la CGA et elle, c'est un processus qui était essentiellement français, au sens où il n'y a pas de CGA en Belgique. Donc nous, à notre niveau, ça n'a pas changé énormément de choses, au sens où on a fusionné avec personne. Mais donc, eux, ils avaient envie de fusionner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est deux organisations différentes. Alternative Libertaire, elle est née en 1991. Et l'organisation qui précédait Alternative Libertaire, c'était l'UTCL, donc l'Union des Travailleurs Communistes Libertaires, qui, voilà, qui elle-même vient d'un courant, du courant communiste libertaire historique, avec, notamment au travers de la Fédération anarchiste après 1945. Et la CGA, en fait, c'est une scission de la Fédération anarchiste qui existe toujours actuellement. C'est une scission autour de la question notamment de la lutte des classes, le fait de reconnaître la lutte des classes comme processus central de la révolution, etc. Et en fait, ces deux organisations qui étaient très très proches dans les faits et en fait, du coup, qui avaient envie de se rassembler, quoi, pour créer une organisation plus forte, plus grande, etc. Et donc voilà, c'est né comme ça. Il y a eu un processus pendant à peu près un an de discussion sur, ben voilà, on a mis plein de thématiques sur la table, sur le fonctionnement, sur les statuts, mais aussi sur, voilà, sur des positions plus programmatiques ou idéologiques autour du féminisme, etc. Et il y a eu un manifeste qui a été écrit. Et voilà, en juin dernier, il y a eu un congrès qui a rassemblé quand même 200 à 300 personnes pour voter le manifeste, voter le fonctionnement et voter un nom. Et donc, voilà, il y avait plusieurs dizaines de propositions de noms. Et c'est l'Union communiste libertaire qui a gagné. Alors, on est à moitié content, on va dire. Parce que nous, on était plutôt partisans. Donc, il y avait plein de noms différents, voilà, des trucs très vagues à des trucs plus précis. Mais nous, on était assez partisans d'avoir un nom qui dit clairement ce qu'on est, en fait. Donc, une organisation anarchiste, alors nous, on aurait préféré peut-être Fédération communiste libertaire, parce qu'on est organisé sur un mode fédéraliste, et on est communiste libertaire, pour nous c'est important de le mettre en avant. Alternative libertaire avait quand même un truc un peu vague, voilà, c'était pas très clair. Par exemple, il y a des gens qui ont découvert qu'on était communiste libertaire quand on a changé de nom, alors qu'on l'a toujours été, mais ils l'ont découvert à ce moment-là parce que le nom n'était pas très clair. Donc voilà, pour ça on est content, mais on n'est pas hyper content de l'acronyme. Parce que ça fait UCL, et forcément UCL c'est l'Université catholique de Louvain. et voilà, et du coup il y a pas mal de blagues en ce moment sur ça. Et l'unicorne, c'était un symbole, non, aussi, non ? Il y avait un truc avec une unicorne sur la page Facebook à un moment, je sais pas, ça n'a rien à voir. C'était une blague aussi. C'était une blague. Okay, oui, c'était une blague. Non, okay, on vient d'avoir notre nouveau logo et c'est un oiseau. Oui, ça, c'est un merle, tu peux le dire. Ce n'était pas une blague. Ok. Voilà. L'autre, c'était une blague. Ok, ouais. Ok, c'était marrant. C'était un unicorne en couleur. Voilà. Voilà. Ben, on a un nouveau logo. Et c'est le merle moqueur. Ouais. La chanson des temps des cerises. Ouais, préférence à ça. C'est le merle moqueur. Avec les couleurs rouge et noir. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça il colle. Il est très beau. Ouais. Plus que là. Ouais. Ok, bon, merci. Bon, mais du fond, ça ne change pas grand-chose, vous dites. Et, mais vous êtes déjà venu ici avant, mais ça date déjà une année ou plus. On a aussi eu le groupe féministe à un moment et on a eu toute l'équipe une fois. Voilà, où vous êtes aujourd'hui et c'est quoi vos luttes ou la suite ou je ne sais pas. Si vous voulez. Oui, donc en fait, la fusion n'a rien changé au niveau du fond, c'est juste au niveau de la forme qu'on a changé de logo et qu'on a changé de nom. Et en fait, les luttes, on les mène en fonction des fronts, donc on est organisé par différents fronts. Donc, par exemple, dans le front féministe, on a co-organisé la création d'un nouveau collectif d'autodéfense féministe qui vient de naître là il y a 2 semaines et qui s'appelle le Nemesis Fighting Club. Donc l'idée, c'est de donner des cours de boxe à prix libre à toutes les personnes qui le désirent, hein, qui ne sont pas des hommes cis. Donc on a décidé de le faire en mixité choisie. Et donc, moi, je trouvais ça important. Enfin, en fait, on a lancé les cours juste avant la grève des femmes le 8 mars de l'année passée. C'était le 7 mars, dans le cadre du collectif 8 mars. Et puis les cours, on a continué à les mener toutes les semaines. Et donc là, maintenant, on va peut-être ouvrir un deuxième cours le jeudi. Moi, je trouvais que c'était important d'avoir un cours d'autodéfense féministe, d'une part via la boxe, d'une part parce que ça permet en fait de prendre confiance en soi et de concrètement pouvoir se défendre en tant que femme dans la rue. Et puis d'autre part, je trouve que ça donne aussi une assurance pour lutter au niveau structurel. Et moi, je vois l'autodéfense comme une manière aussi pour les femmes et pour toutes les autres personnes concernées de prendre confiance en elle au niveau de la prise de parole et au niveau de la confiance dans les idéologies qu'elle défend, etc. Et en fait de s'auto-défendre au niveau structurel contre les violences structurelles du système. Et puis je sais pas si tu veux parler des autres ronds. Mais j'avais encore une autre question, parce que je sais pas si tu étais dedans aussi, mais l'autre fois dans le groupe féministe, c'était Abra Abanokor. Est-ce que cette campagne ou cette parce que j'ai vu pas mal d'annonces pendant longtemps, est-ce que ça s'est un peu terminé ou est-ce que ça continue ou est-ce que... Juste pour avoir un petit... Donc c'est une campagne que Eiffel a participé à lancer. Après, je crois que ça a continué par soi-même. Je ne sais pas très bien où ça en est à l'heure actuelle. Ouais. Donc voilà, je sais pas. Mais ça a l'air d'être bien marché quand même. Ouais. Ouais, ouais, j'ai vu pas mal d'annonces un peu partout dans la ville pour des ateliers, pour des trucs... Ouais, okay. Non, je sais que ça a continué un certain nombre de temps, mais ça s'est aussi autonomisé par rapport à Eiffel. C'est une campagne qui a existé par elle-même. Moi, j'étais pas encore là dans le collectif quand il y a eu cette campagne, mais en tout cas, pour le moment, nous, on n'est plus trop dedans, donc je crois que c'est un truc totalement autonome maintenant. Donc il y a des choses qui sont lancées, c'est vous qui continue après, c'est un peu comme ça fonctionne. Mais c'est ça, en fait, le cours de boxe, le Nemesis Fighting Club, on est dedans et on aide à l'organisation et on est là pour pendant les cours de boxe pour apporter une aide matérielle. Mais en fait, l'idée, c'est que toutes les meufs qui participent aux cours de boxe font partie du collectif et que les prises de décision ne sont pas du tout prises par nous. De base, c'était un événement lancé par nous, mais maintenant, c'est vraiment un truc où tout le monde vient et qui ne nous appartient plus, quoi. C'est totalement autonome et indépendant de Féministes Libertaires. Ok, donc c'est une des façons comment vous travaillez. Ouais. Je sais pas, Karen, si tu avais encore des questions. Oui, j'avais une petite question. Depuis des années, il y a aussi l'organisation communiste libertaire en France. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas rejoint votre nouvelle union communiste libertaire? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse. Claire et certaine. Je crois qu'il y a aussi des... En tout cas, la fusion ALCGA, elle était assez de soi, au sens où, idéologiquement, il y avait quand même beaucoup de proximité. Je sais que l'OCL, par exemple, ils sont sur des lignes un peu plus autonomes, au sens du courant qui est apparu à partir des années 70, notamment en France. Donc, c'est pas exactement... Après, je dis peut-être des bêtises, parce que je connais pas très bien, mais... Alors, ils étaient là, ils étaient présents au congrès, par exemple, mais ils n'ont pas fait partie du processus. Alors peut-être que ça ne les intéressait pas, ou qu'ils estimaient que... J'aimerais poser la question à eux, peut-être. Faut leur poser la question. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais je crois qu'il y a des différences quand même politiques, idéologiques, entre l'OCL et l'UCL, du coup, maintenant, qui fait que peut-être que ce n'était pas possible de rassembler les trois organisations. Et alors, votre spécificité? Donc vous êtes retrouvé avec le CGA, et vous êtes proche du CGA, mais qu'est-ce qui fait que vous êtes proche, en fait? Quelle est votre démarche, votre principe organisationnel, par exemple? Je crois qu'il y a le projet de société entre la CGA et elle est sensiblement le même, au sens où c'est le projet de société commune libertaire. Je crois que c'est surtout dans la pratique où les camarades de la CGA et d'AL se retrouvaient beaucoup sur le terrain, dans les luttes, et voyaient qu'ils avaient une pratique partagée. Par exemple, AL, historiquement, porte quand même une ligne syndicaliste révolutionnaire, anarcho-syndicaliste, surtout syndicaliste révolutionnaire, et la CGA porte aussi... cette pratique-là en France, etc. Donc voilà, je crois qu'il y a des points communs. Sur la question féministe, même si je pense qu'il y a des différences, on disait tantôt que la fusion avait rien changé. C'est pas tout à fait vrai, il y a quand même des différences. Par exemple, la CGA avait, sur les questions féministes, probablement une réflexion plus moderne, plus contemporaine sur le sujet, par exemple. Et c'est des choses qui ont été quand même incorporées, qui ont nourri la création du manifeste de l'UCL. Sur la question écologique aussi, par exemple, il y a aussi toute une réflexion. Je crois qu'il y a une volonté quand même de la question écologique et l'écologie sociale elle vient quand même d'une ligne assez historiquement ouvriériste, assez voilà. Donc la question écologique était un peu une question secondaire, j'ai l'impression, chez Alternative Libertaire. Aujourd'hui, il y a quand même une volonté de mettre vraiment cette question-là en avant. Par exemple, je pense que le logo, le fait que ce soit un oiseau, voilà, ça peut paraître anecdotique, mais je crois que c'était quand même une volonté de mettre en avant la question écologique, du vivant, de la nature, etc. Enfin, c'est une analyse personnelle, mais je crois qu'il y a quand même de, il y avait quand même de ça. Voilà, après, il y a vraiment cette idée, de, je crois, qui est assez partagée, mais qui est peut-être plus théorisée dans certains groupes de la CGA, autour de le fait d'avoir une pratique sociale en tant qu'anarchiste. C'est-à-dire avoir vraiment une pratique d'être présent dans les luttes, d'être présent dans les luttes syndicales, les luttes sociales, les luttes féministes, etc. Et vraiment être dans les luttes pour animer les luttes, voilà, proposer une pratique politique de la démocratie directe, l'autogestion, l'anticapitalisme, etc. Ça, c'est des choses quand même que la CGA et AL ont toutes les deux, quoi. Peut-être que c'est une bonne introduction pour parler d'écologie sociale. Oui, alors. Parce que peut-être ça va résumer un peu. Non ? Ou tu avais encore une autre question pertinente. Annick Stevens qui a parlé jeudi passé, je pense. C'était jeudi passé. À Liège, il y avait tout un week-end sur l'écologie sociale qui est très d'actualité, mais qui est aussi porté par le projet kurde en Syrie, etc. Et donc, mais moi, je n'ai pas été là. Nora était là. Oui. Donc, elle peut nous aussi raconter de ça. Oui, c'est ça. Même si, vous étiez plutôt participant et pas organisateur. Oui. Ouais. En fait, on a créé un nouveau front à l'Union communiste libertaire qui s'appelait au départ le Front Climat. Était très officieux, mais on a changé de nom parce que c'était pas du tout représentatif de ce qu'on faisait. Et donc, en fait, qui s'appelle maintenant le Front d'écologie sociale et qui se base sur la ligne politique de Mireille Bookchin, donc qui est le père fondateur de l'écologie sociale. L'écologie sociale, ça, c'est assez proche des lignes qu'on défend à Lyon Communiste Libertaire. Dans le sens où Mireille Bookchin, c'est un auteur qui a commencé à écrire à partir des années 60. Il est mort en 2006. Et en fait, c'était un type qui était visionnaire parce que déjà dans les années 60, il a réussi à faire le lien entre, par exemple, le capitalisme et la fonte des glaces. Il parlait aussi beaucoup de notre environnement synthétique, c'est comme ça qu'il l'appelle, avec tout ce qui est système agroalimentaire, etc. Et en fait, ouais, c'était vraiment un visionnaire. Et au départ, il se définissait comme anarchiste. Puis à la fin de sa vie, il est devenu un peu pessimiste, il s'est défini autrement. Mais en fait, il a théorisé un concept hyper intéressant qui s'appelle le municipalisme libertaire, qu'il appelle aussi le communalisme libertaire, qui est en fait la même chose. Et qui a inspiré... donc en fait, l'idée du municipalisme libertaire, donc lui, il a été inspiré par les différentes communes qu'il y a eu à travers l'histoire, par exemple la commune de Paris. Il se rend compte que l'autogestion, ça peut pas marcher à grande échelle, ça marche que à une échelle localisée. Et pareil, tous les concepts de notre lien avec le vivant, de notre lien avec les animaux, tout ce lien-là peut pas être effectué à un niveau hyper globalisé comme on l'a actuellement, mais à une échelle locale. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est faire des petites communautés, des petites communes qui seraient regroupées entre elles par des réseaux, qui seraient des réseaux d'échange et de communication. Et en fait, lui, son analyse de nos problèmes climatiques et d'environnement, c'est qu'au sein de nos sociétés, on fonctionne de manière ultra hiérarchisée et donc de manière hyper inégalitaire, et que ces inégalités-là se reflètent sur notre manière de concevoir le vivant. Et il pense que tant qu'on vit dans des sociétés hiérarchisées, on pourra pas dépasser les problèmes d'environnement. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il se dit qu'il est hyper moderne, en fait, dans sa vision de l'anarchisme, parce qu'il est contre toutes les oppressions et contre toutes les dominations. Et il y a une des dominations qui lui tient beaucoup à cœur et dont on parle pas tellement actuellement, c'est les dominations envers les enfants. Et du coup, moi, je trouve que c'est un auteur qui recommence à être connu un peu maintenant, mais qui mérite à être encore plus connu, parce qu'en fait, franchement, c'est étonnant de lire ce qu'il a écrit à cette époque-là. Et je vois qu'en ce moment, ça revient un peu, peut-être pas à la mode, mais en tout cas, dans le milieu militant, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'écologie sociale. Donc d'où le week-end d'écologie sociale qui a été organisé à Liège par des copains et des copines. Et entre autres, il y avait eu des conférences justement sur le Rojava. Est-ce que c'est peut-être à cause de Rojava et que eux ils parlaient aussi de Marie Bouchine et tout ça, et que eux, leur que ça ça revit un peu, ou Ouais, je pense que c'est possible, parce que ouais, dans le monde il y a deux modèles qui fonctionnent un peu selon ce modèle là donc c'est le Rojava et c'est les apatistes. Après, moi, je connais pas très bien, donc je sais pas très bien comment ils arrivent à mettre en place. Et en fait, je suis hyper curieuse. C'est pour ça que j'avais été au week-end aux rencontres des collèges sociaux. C'était justement pour voir comment ce truc-là était mis en place. Malheureusement, j'ai pas eu accès à la conférence qui l'expliquait, donc j'ai eu accès à une autre conférence. Et en fait, ce qu'ils disaient, par contre, à Liège, et qui était hyper chouette, parce qu'en fait, c'est pas du tout un week-end des collèges sociaux, c'est une rencontre des collèges sociaux. C'est que Bookchine insistait beaucoup justement sur la notion de rencontre, dans le sens où l'idée de l'écologie sociale, c'est donc c'est un filtre, une analyse politique comme fin un modèle de société. Mais donc pour arriver à ce modèle et pour compléter cette analyse, parce qu'il est toujours dans une notion où il faut compléter, justement il faut se rencontrer pour en discuter, et en fait c'est seulement comme ça que la chose pourra être mise en place. Et donc d'où l'idée de faire des rencontres d'écologie sociale. Et puis nous on avait aussi un peu parlé quand on a participé à l'organisation du Climate Justice Camp, donc, dont le nom est mal choisi aussi, je pense, à mon sens. Mais on avait fait quelques trucs sur l'écologie sociale là-dedans. Donc, c'était un camp qui était organisé début septembre et qui a duré 4-5 jours en Belgique, près de Hall. Et du coup, et pour amener, en fait, l'idée, c'était de partir du constat qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, en Belgique en tout cas, il y a un énorme engouement pour le climat, mais qu'en fait cet engouement peut se tromper dans les stratégies adoptées et dans les personnes qui sont visées, dans le sens où par exemple on a vu dans les marches climat, enfin moi je trouve ça dingue qu'il y ait une marche climat qui ait éjecté les gilets jaunes qui étaient venus une fois de Paris, et enfin ça c'est révélateur de sens, parce qu'en fait les problèmes climatiques et les problèmes d'environnement vont retomber en priorité sur les personnes les plus précarisées, et donc c'est dingue qu'en ce moment ce soit pas forcément les personnes les précarisées qui soient à l'origine des mouvements climat, au contraire. Et je pense que l'analyse de Bookchine est hyper intéressante, parce que justement elle permet de remettre ça en perspective et de montrer ça. Et donc l'idée du Climate Justice Camp, c'était d'utiliser la thématique climatique comme un tremplin pour permettre à toutes les autres luttes qui sont concernées par ça, qui sont les plus concernées en fait, de revenir dans ce champ-là et de pouvoir s'en réapproprier, alors même qu'elles sont souvent exclues de tout ce qui est marche climat et de tout ce qui est un peu écologie mainstream. Donc entre autres les gilets jaunes, on avait invité la VSP, ils sont pas venus, mais c'était l'idée, c'était que les gilets jaunes viennent, la VSP est venue, et il y a eu aussi la voix des sans-papiers, on a eu aussi plein de collectifs féministes qui sont venus, plein de collectifs queer et tout, donc ça c'était chouette. Et donc je pense que là il y a un énorme travail à faire dans le champ climatique, parce que je crois qu'on se trompe de chemin, et en fait il y a toute une mouvance qui s'adresse aux dirigeants politiques pour leur supplier de changer les choses, alors que c'est eux qui sont c'est eux, la classe dirigeante, qui opprime toutes les autres et qui reproduit en fait les hiérarchies qui sont à l'origine des problèmes qu'on a avec l'environnement. Mais c'était un des buts aussi de ce camp, non ? C'était du camp climat ? Oui. Ben en fait, c'était le but principal. Mm-hmm. Et d'où la démarche d'inviter tous les collectifs qui sont pas forcément, qui viennent pas forcément de marche climat, mais qui sont en fait hyper concernés. Mm-hmm. Et plus concernés, à mon avis, que des personnes comme Anouna de Weaver ou des gens comme, qui sont concernés aussi. Tout le monde est concerné. Mais je veux dire, je pense que les personnes les plus opprimées sont celles qui sont les plus concernées par les enjeux climatiques. Et les autres enjeux, parce que le climat, c'est pas du tout le seul. C'est un peu tout le monde. Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Mais c'est vrai que c'était souvent des marches sur le climat, et ils disaient aussi, et le justice sociale, mais finalement, le justice sociale, c'était un peu à l'écart, et les revendications n'étaient pas du tout mis en avant la même manière que l'écologie. Ouais, et ça dépend des mouvements, parce que même justice sociale, justice climatique, c'est même pas forcément un mot d'ordre qui est hyper partagé dans les marches climat, j'ai l'impression. Et par exemple, tu disais ça concerne tout le monde. Oui, ça concerne tout le monde, mais si tu prends l'exemple à Bruxelles, le quartier le plus pollué, c'est Arlois. Mais après, les quartiers les moins pollués, ça va être l'Observatoire à Uccle, où vivent toutes les personnes qui sont pas du tout précarisées. Et en fait, là où on constate qu'il y a le plus de problèmes de santé liés aux particules fines et aux problèmes d'environnement, c'est évidemment dans les quartiers les plus pauvres, comme Molenbeek, Anderlecht, et tout ça. Et donc, je pense que ça se répercute d'abord sur ces gens-là. Évidemment, là, on ne parle pas de climat, mais je crois que, évidemment, mieux t'es loti et mieux ça ira pour toi quand la situation va s'aggraver dans quelques années, quoi. Ouais. Mmh. Parce que je sais que j'ai travaillé aussi à Molenbeek longtemps, et c'est vrai que même les gens qui habitent là, ils sont très conscients aussi de choses écologiques, et il y a pas mal des ambassadeurs et des gens qui font, parce qu'ils font plus de référence aussi en Maroc, là aussi c'est le Sahara qui est en train de... Donc c'est vrai que même il y en a pas mal qui prennent des initiatives aussi à Molenbeek dans ce sens, mais c'est vrai qu'ils sont pas dans des gros manifestations, ils sont pas présents, et c'est... Mais c'est vrai que c'est les liens qui ne sont pas faits ou que les gens ne se connaissent pas. Mais c'est plutôt... C'est ça, et je pense que malheureusement, ça ne leur parle pas, en fait. Ça leur parle vraiment, mais ça ne leur parle pas dans le sens comment c'est organisé. Je veux dire, la manière dont c'est organisé, ça ne leur parle pas, et ce n'est pas du tout une critique envers eux, c'est une critique envers le mouvement qui devrait justement se réorganiser et changer de sorte à leur parler, parce que ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas dans les marches climat. Ouais. Et en fait, c'est un constat alarmant, quoi, et c'est révélateur de sens. Mais je sais plus ce que j'allais dire. C'était l'écologie sociale, c'était juste donc celle emmener le social et l'écologie. Oui, c'est ça, avec une vision précise des relations de domination qu'il y a dans la société et de comment ces relations nous amènent à traiter comme on le fait les autres vivants et la nature en général, même si Bookchin n'aime pas trop le mot nature parce que ça révèle des dichotomies nature-culture qui sont pas fraîches. Je sais pas si t'as encore une question. Oui, on passe musique et après on continue avec les questions sur le sujet. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista hacia la huelga valiente. Nuestra huelga Kalean, burro caracufres Kalean, beti jotake Kalean, yakamakube Libre da azke, izan arte Ni naiz gile jabe Ni naiz gile maitale, venga tira dale Borroka dezagun kale, eskale Eskua pekarlo tuz kale, eskale Fortaleza de luchar En hermandad Esa grandeza que no es Otra cosa que esa fuerza Que me impulsa y me llama A caminar Se convierte en nuestra forma de luchar Insurgente siempre mala, no es casualidad Antipatriarca y disidente, esto está a punto de explotar No se ha perdut la batalla, sí. 30 son con mil gegants Qui sembra miseria recull la ràbia, recull la sang Resistim a la Sentir la subidón, no me seas varón. Todito día del trabajo al sillón. Tu compañera ya está cansada de hacerte la cama y limpiar tus cagadas. La verdadera revolución, fregar el baño y barrer el salón. Cuida a tu al niño que ya está de huelga. Todas en lucha, mujeres revueltas. Écoutez quelle chanson, vous savez. C'était. On m'entend ? Ouais. C'était. Je crois que c'est l'hymne de la grève des femmes du 8 mars à Madrid. Ah ouais, ok. T'as vraiment choisi la chanson avec différentes thématiques, c'est bien. Qui résume bien. On a essayé de diversifier. Ouais. Ok, donc je pense que t'as très bien clair exprimé l'écologie sociale et. Pour l'instant, juste pour terminer sur ce sujet, tu as participé à cette rencontre ouais. À Liège. Et ici, à Bruxelles, vous allez continuer dans ce sens ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment un front qui vient tout juste d'être créé. Donc le premier pas, c'était l'investissement dans le Climate Justice Camp. Et on a essayé de faire tendre les nues justement pour qu'ils puissent parler d'écologie sociale. Et puis là, il y a eu un turnover au niveau des militants du front. Donc on est en train de relancer doucement le front. Enfin, là, on est en train d'écrire un manifeste. Ça un peu doucement. On a lancé des cinémas libertaires. Donc c'est chaque mois, il y a un cinéma dont un front spécifique choisit un film. Et après, il y a des discussions autour du film. Et donc là, pour le front d'écologie sociale, on va choisir un film en ce sens-là. Je ne sais pas encore lequel. Et puis, l'idée... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on lance des rencontres aussi à Bruxelles d'écologie sociale. Et puis moi, du coup, j'ai eu l'occasion de rencontrer les copains et les copines qui ont organisé ça à Liège. J'aimerais que ça se concrétise aussi à Bruxelles. Et j'aimerais que j'essaye de faire tant de contribuer à faire connaître Bookshin un peu plus. Et puis nous-mêmes, dans le front, on apprend en fait parce qu'on n'a pas du tout lu tous ces bouquins. Donc l'idée du front, c'est aussi de lire Bookshin, de faire aussi des arpentages, de partager les connaissances qu'on a sur lui et de s'en inspirer pour faire le manifeste. Et voilà. Ok. Donc les gens qui sont intéressés, c'est le commencement, c'est le film, débat et la suite. Et nous contacter. Ou contacter direct. Ok. Pour se rejoindre. Okay. Et quand vous parlez de front, c'est un peu spécial, je trouve. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, un front ? Mais il a expliqué. Ah, une bonne question. Ouais. En fait, on est organisé au sein du collectif. Il y a ce qu'on appelle des fronts de lutte, qui sont en fait des groupes de travail thématiques qui visent à en fait organiser une intervention sur un front de lutte en particulier. Il y a le front d'écologie sociale, mais il y a un front syndical aussi, par exemple. Il y a un front antifasciste, il y a un front féministe. Et en fait, l'idée des fronts, c'est une méthode d'organisation anarchiste qui nous vient du spécifisme anarchiste, qui est un courant organisationnel anarchiste sud-américain qui s'est développé à partir des années 50-60 avec la FAU, donc la Fédération uruguayenne, la Fédération anarchiste uruguayenne, et en fait qui est une méthode d'organisation que nous on a adoptée il y a deux ans. Et donc l'idée des fronts, c'est vraiment de se dire que... en tout cas, l'idée du spécifisme, c'est vraiment de redonner à l'anarchisme son vecteur social, c'est-à-dire son ancrage dans la réalité des classes populaires, voilà, que ce soit la classe ouvrière, enfin en tout cas les travailleurs, les travailleuses, mais aussi les femmes, les racisés, etc. Donc les classes opprimées. Et l'idée, c'est vraiment de dire, ben, pour ça, il faut une pratique sociale. Et cette pratique sociale, elle peut pas être fluctuante, elle doit être continue. Et donc il faut organiser en continu une pratique sociale. Et voilà. Et donc on a quatre fronts qui nous permettent de développer une pratique, une stratégie dans les luttes, etc., etc. De manière continue, quoi. L'idée, c'est pas de temps en temps faire de l'écologie, de temps en temps faire du féminisme, de temps en temps faire de la lutte de classe, etc. C'est de dire non, en fait, c'est une pratique en continu, et il faut des groupes en interne qui organisent cette pratique en continu. Et quels sont les quatre fronts ? Donc il y a le front syndical. Donc quand on parle de front syndical, c'est le syndicalisme comme pratique de lutte. Ça veut dire que c'est pas uniquement le syndicalisme d'entreprise, mais ça peut aussi être, par exemple, c'est la méthode syndicale. L'idée de s'organiser pour ses intérêts concrets, pour la défense de ses intérêts concrets immédiats. Peut-être qu'on peut toujours un mot sur le collectif Santé en lutte. Oui, c'est vrai qu'on pourra en parler. Par exemple, le collectif, peut-être je reviendrai là-dessus après, mais donc, en tout cas, l'idée du front syndical, c'est la pratique syndicale, et ça peut être autant sur le terrain de l'entreprise, de la question de l'exploitation au travail, que par exemple autour de la question du logement, par exemple. Le fait de s'organiser en tant que locataire contre les propriétaires, contre le loyer, etc. Ça peut être une pratique syndicale, ce qu'on appelle du syndicalisme du quotidien, c'est-à-dire utiliser la méthode syndicale, donc s'organiser en tant qu'exploité sur des luttes du quotidien. Donc ça, c'est on a un front qui s'appelle le front syndical. On a un front féministe, non mixte. On a un front antifasciste, et on a le front d'écologie sociale. Ça, c'est nos quatre fronts. Et par exemple, avec le front syndical, on participe à un mouvement qui s'appelle La Santé en Lutte. Donc on les a eu ici en émission. Qui sont venus il n'y a pas longtemps. Ouais. Mm-hmm. Et par exemple, là, c'est, mm-hmm. c'est des camarades du front syndical qui participent au mouvement dans l'idée de porter un certain nombre de principes anarchistes. Le but, c'est pas d'en faire. Le but, c'est pas de faire des mouvements anarchistes. Le but, c'est de faire des mouvements d'opprimer, d'exploiter et d'organiser et de s'organiser avec les exploités, mais de porter dans la lutte un certain nombre de principes qui sont des principes libertaires. Par exemple, de faire en sorte que les luttes puissent être démocratiques, par exemple, donc de porter la démocratie, l'autogestion, de porter une perspective révolutionnaire, par exemple sur la question climatique. Nous, une des thématiques qu'on a portées, c'est vraiment le lien entre la problématique climatique et le capitalisme, par exemple. Ça, c'est essayer de porter une perspective anticapitaliste. L'idée de porter aussi l'action directe, par exemple. Donc le fait d'avoir des pratiques qui n'ont pas pour but de porter des réformes ou de atteindre le pouvoir d'État, mais de s'organiser concrètement, d'agir directement hors du champ parlementaire, hors du champ de la politique traditionnelle, etc. Voilà. Et vraiment, les fronts de lutte, ils servent à ça. Ils servent à s'organiser là, à poser une stratégie et d'agir en tant que communiste libertaire dans les luttes. Quoi. Et est-ce que les fronts sont les mêmes dans toutes les locales de votre organisation? En fait, le spécifisme anarchiste, c'est pas quelque chose qui était appliqué à Alternative Libertaire. C'est quelque chose qui a été plutôt importé en Europe par la coordination de la CGA, en fait, notamment à Lyon, où eux s'organisaient sur cette base-là. C'est eux, en fait, il y a un bouquin qui est hyper bien, qui parle du spécifisme anarchiste, qui s'appelle Anarchisme social et organisation, qui est en fait la traduction d'un bouquin écrit par la Fédération anarchiste de Rio de Janeiro. Donc c'est un courant, donc le spécifisme, c'est un courant qui est né, comme je disais, dans les années, début des années 60, d'abord en Uruguay avec la FAO, et ensuite qui s'est développé dans toute l'Amérique latine. Aujourd'hui, il y a des organisations anarchistes spécifistes au Brésil, et dans d'autres pays d'Amérique latine. notamment au travers de la coordination anarchiste, la CAB, qui regroupe un certain nombre de collectifs spécifistes. Et c'est les camarades de la CGA à Lyon qui ont plus ou moins importé, on va dire, ce mode d'organisation-là. Et c'est eux qui ont traduit ce bouquin qui est disponible aux éditions du Brasero Social. Et qui est vraiment un bouquin hyper intéressant parce qu'il... Il essaye de répondre à un certain nombre de problématiques qu'on retrouve dans le milieu anarchiste de manière générale. Alors là, c'est un bouquin écrit par des camarades brésiliens et brésiliennes, mais on retrouve les mêmes problématiques en Europe, par exemple, et voilà, qui est tout à fait pertinent aussi pour chez nous, et qui, en fait, est assez proche du plateformisme anarchiste, qui est un courant anarchiste voilà, dont se réclame Alternative Libertaire, et qui est, pour le coup, plus européen. Et donc, voilà. Donc, plateformisme. Le plateformisme anarchiste. Ouais, peut-être qu'il faut juste expliquer en deux mots, donc. c'est pas évident. Je lance mon âme, je me dépasse. Merci de ne pas vous ennuyer. Anarchisme. Alors, en gros, par exemple, il y a la Fédération anarchiste en France, ou francophone, qui est une organisation synthétiste, qui sont soi-disant, c'est l'autre courant. Donc il y a d'un côté une plateforme, ça veut dire que, si j'ai bien compris, tout le monde adhère à une même idéologie ou à une même pratique. Et puis, chez les synthétistes, ça veut dire que dans une fédération, on essaye de réunir des tendances anarchistes différentes. Donc, on n'est pas tous dans la même tendance. Ah, les plateformistes, tout le monde est dans la même tendance, disons. Avec un manifeste qui... Oui, c'est une question d'organisation, parce que ça vient de la Makhnovchina. Donc, les anarchistes ukrainiens qui ont dû s'enfuir en Europe... quand les bolcheviks ont pris le pouvoir, et qui avaient une pratique qu'ils ont amenée de chez eux, et qui trouvaient qu'il ne fallait pas trop se perdre dans des discussions au-dessus de ça, et qu'il fallait faire qu'il fallait unifier les manières d'organiser, ou des stratégies, etc., afin de devenir plus efficace. Et donc, ils ont écrit une plateforme, c'est pour ça qu'on dit les plateformistes, en 1926 ou 27, je ne sais plus 26, exactement. Ouais. Voilà. Et puis il y a eu un contre-courant avec Voline et avec Sébastien Faure, si je me souviens bien, qui disait qu'on peut avoir une diversité de pratiques ou de tendances anarchistes et les fédérer quand même, et avoir cette diversité à l'intérieur d'une même fédération. Ça, c'était la grande idée. Bon. Ça, c'est synthétisme. Ouais. Ouais, c'est un vieux débat du mouvement anarchiste, surtout en Europe, et surtout en France, en fait, mais qui a encore des incidences. En fait, ça naît effectivement, comme tu disais, dans les années 20, il y a énormément d'exilés qui ont participé à la révolution russe, qui, à partir du moment où les bolcheviks prennent le pouvoir, notamment les anarchistes qui s'enfuient, tu parlais de Makhno et la Makhnovchina en 1921. Et donc il y a toute une série d'exilés qui arrivent en France, dont Makhno, notamment, et Archinov. Et notamment, ils s'organisent autour d'un groupe qui s'appelle Dielo Truba, qui est un groupe d'exilés ukrainiens en France. Et en fait, ils se posent la question de savoir, en fait, comment ça se fait que pendant la révolution de 1917, nous, les anarchistes, on était quand même relativement présents. Enfin, on était une force politique qui existait au moment de la révolution. A priori, les idées libertaires étaient quand même relativement assez présentes dans la classe ouvrière, par exemple autour de la question des soviets, par exemple. Les soviets, c'est des conseils qui s'organisent en démocratie directe, etc. Mais comment ça se fait qu'on a perdu, en fait ? Comment ça se fait que les bolcheviks ont pris le pouvoir ? Et en fait, ils écrivent effectivement ce texte en 1926, qui est la plateforme d'organisation des communistes libertaires, où ils essayent de tirer les leçons de la révolution russe et de se dire comment ça se fait qu'on a perdu. Et ils disent notamment, en fait, c'est parce qu'on n'était pas suffisamment organisé par rapport aux autres forces politiques. On était trop désorganisé. Certains agissaient dans un sens, les autres dans un autre sens, et du coup, ça nous déforçait, etc. Et ils vont écrire ce texte où, en gros, ils vont tirer un certain nombre de principes, mais ils disent, il faut que l'organisation anarchiste soit une organisation claire, avec une ligne politique claire. Donc, eux, ils défendent le communisme libertaire à l'époque. Et ils disent, on a besoin... Si on veut être une organisation efficace, une organisation qui pèse sur les mouvements historiques, les révolutions, mais les mouvements sociaux, etc., on a besoin d'unité unité théorique, d'unité tactique, d'unité de pratique, et ce qu'ils appellent aussi la responsabilité collective. Ils disent, si on arrive à avoir une organisation qui regroupe ces éléments-là, donc, c'est-à-dire qu'on a une ligne idéologique, que, évidemment, ça ne veut pas dire que... Enfin, c'est-à-dire qu'on peut discuter, que, évidemment, cette ligne, elle évolue, etc. Mais, en tout cas, elle doit être claire. La pratique politique aussi, elle doit être claire. C'est-à-dire qu'on peut pas... Il n'y en a pas 10 qui font tel truc et 10 qui font tel truc autrement. Non, il faut qu'on fasse à 20 la même chose et qu'on se mette d'accord pour le faire ensemble. Et, voilà, l'unité tactique, l'unité théorique... la responsabilité collective aussi, le fait que bah c'est, voilà, on est à la fois, l'organisation est à la fois responsable de l'action politique de ses membres, mais les membres sont aussi responsables de l'action politique de l'organisation, donc il y a une responsabilité partagée. Tous ces éléments-là, c'est les éléments qu'ils voilà, mettent en avant. Alors il y aura, ça va susciter énormément de débats, notamment on va les traiter de... les accuser de vouloir bolcheviser l'anarchisme, par exemple, alors qu'en fait... Pas vraiment, parce que c'est des éléments qu'on retrouve notamment chez Bakounine ou chez Malatesta, déjà bien avant la plateforme de 1926. Et effectivement, il y aura un contre-texte qui sera écrit par Voline notamment, qui s'appelle La Synthèse. Et eux disent le contraire. En gros, ils disent non, ce qu'il faut, c'est une organisation qui rassemble tous les différents courants. Mais ça veut dire à la fois des gens qui sont individualistes, des gens qui sont voilà, plutôt insurrectionnalistes, des gens qui sont anarcho-syndicalistes, etc. Et en fait, ils disent voilà, il faut les faire cohabiter dans la même organisation. C'est pas grave s'il n'y a pas consensus, etc. Les décisions qui sont prises, elles n'ont pas valeur de... En tout cas, d'obligation collective, c'est juste des préceptes, etc., etc. Et voilà, ça, c'est un peu les deux grands modèles. Et ça va donner effectivement Alternative Libertaire, voilà, qui assume le fait de dire ben voilà, on n'est pas représentatif de l'ensemble de l'anarchisme. L'anarchisme, c'est quelque chose de pluriel avec des différentes composantes, etc. Nous, on représente une seule version de l'anarchisme, c'est le communisme libertaire. Et de l'autre côté, on va plutôt avoir la fédération anarchiste, qui, elle, va plutôt se réclamer du synthésisme. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même, enfin, on voit quand même, je trouve dans la pratique, on voit quand même les limites, par exemple, je trouve du synthésisme, par exemple, à la fédération anarchiste, c'est une organisation qui a extrêmement du mal à exister aujourd'hui, qui subit énormément de scissions. Il suffit aussi qu'il y ait un veto d'un seul groupe pour qu'en fait il n'y ait aucune décision qui soit prise, etc. Enfin, voilà, alors que Alternative Libertaire, c'est une organisation qui existe quand même relativement, qui est petite, etc., mais qui a tendance à perdurer dans le temps, quoi. Voilà. C'est vrai que voilà, c'est un débat théorique assez long. Ouais. Voilà. Qui passe surtout en France, parce qu'à Bruxelles, on est dans le synthésisme. Oui, pense. Oui. Allez, si je résume. Oui. Allez, tu vois, ouais. C'est vrai qu'à Bruxelles, on n'a pas ces grosses mouvances, je pense, ou je me trompe. On est un peu chacun dans son idéologie et sa manière de... Mais il y a différents groupes d'anarchistes. Ouais, par exemple, ça n'empêche pas de coexister, de travailler ensemble. C'est juste qu'on n'est pas dans la même organisation. Il y a des raisons pour ça, parce qu'en fait, on n'est pas d'accord sur un certain nombre de... notamment sur la question de la pratique politique qu'on veut mener et la manière dont on veut mener les choses. Mais après, ça n'empêche pas de pouvoir collaborer, de travailler, essayer de renforcer le mouvement anarchiste de manière générale, collectivement. Après, je crois que ce qui manque globalement en Belgique, c'est quand même... Il y a une absence de tradition anarchiste organisée, il y a une absence d'organisation anarchiste dans le temps. Par exemple, nous, on existe depuis 5 ou 6 ans. C'est à l'échelle de la Belgique, c'est pas si mal, par exemple. Il y a eu très peu d'organisations, il y a eu Alternative Libertaire, première du nom, mais c'est vrai que si on compare à la France, tu as des organisations qui existent depuis 50 ans, enfin voilà, avec des formes différentes, mais il y a quand même une tradition anarchiste organisée qui est quand même plus importante, quoi. En tout cas, en France. Dans cette guerre, on est un peu comme tous les peuples opprimés. On refuse cette situation. Nous ne combattons pas que pour les Kurdes. Nous luttons aussi pour une Syrie démocratique. On veut la liberté, celle de notre peuple. C'est notre philosophie. C'est ça notre vision de la liberté. Je suis Chilan, jeune paysanne analphabète. Je gis là le corps inerte emporté par une balle. Mais ma mémoire Elle est intacte et je la compte de la dynastie Assad au sinistre drapeau noir. Animé par une histoire, corps et âme dans la bataille. Quand nous youyou les affolent, l'ennemi n'est pas de taille. Ils détalent dans leur pick-up, ne connaissent pas nos montagnes. Musulmanes, yézidis, toujours avec Tchalan. Entre tirs de mortiers, colonnes de tanks et de blindés. J'ai l'œil dans le viseur au fond d'une ferme éventrée. Quelques bergères venues des plaines ont abandonné leur maison, rejoignant le maquis, les unités de protection. Nous avons vaincu les Cosaques et les fantasses en ottoman. Les drones turcs nous bombardent, Erdogan est aux commandes. Daesh est équipé mais leur foi n'est qu'une façade. Leur douche carus venue des stocks volés à Bachar el-Assad. Dans les casernes de Moussoul, l'artillerie lourde américaine, c'est simple à dérober à l'armée fantoche irakienne. Le double jeu de la coalition occidentale, où était-il quand la police tranquillement tirait dans le tas? Paris se tait, on ne vous entend pas devant les trois assassinats de Sakine, Fidan et Leila. Au fond des yeux, je porte l'âme d'Ari Mirkan ou de Vian Soran, parti s'immoler par le feu. Dans la poussière des monts syriens, combien d'entre nous se battent? Statue tordue de douleur, mort au bord des eaux de l'Euphrate. Longer le tigre sur des barques de fortune, venu de Bachour depuis le Kurdistan du Sud. Rejoindre la guérilla kurde, les rangs du YPJ, notre peuple tout entier tourné vers l'île d'Imrali. Moralité, jamais nous ne perdons depuis l'époque du roi Zoak et de Kawa le forgeron. Nous reviendrons immortels dans nos villages, le soleil des campagnes aura flétri notre visage. Et ma famille qui m'attendait depuis toutes ces années me reverra dans un cercueil, dans un cimetière de Kobané. Immortel, un soleil sur notre drapeau, Dragunov en bandoulière et fleurs de cumin dans la peau. Nos martyrs en photo sur la manche et nous partons sur un tapis de fleurs blanches au milieu d'un champ de coton. Immortel, un soleil sur notre drapeau, Dragunov en bandoulière et fleurs de cumin dans la peau. Notre terre, Kurdistan de Syrie, le Rojava, combattant du PKK, de Kobané ou de Raqqa. Immortel, un soleil sur notre drapeau, Dragunov en bandoulière et fleurs de cumin dans la peau. Nos martyrs en photo sur la manche et nous partons sur un tapis de fleurs blanches au milieu d'un champ de coton. Immortel, un soleil sur notre drapeau, Dragunov en bandoulière et fleurs de cumin dans la peau. Notre terre, Kurdistan de Syrie, le Rojava, combattant du PKK, de Kobané ou de Raqqa. Voilà, ok, je suis là. On parlait d'organisation. Vous avez expliqué les quatre fronts que vous menez ici à Bruxelles. Maintenant, je me demande, les fronts que vous ouvrez, est-ce que c'est quelque chose qui est décidé au niveau de la fédération, ou est-ce que vous décidez de ça vous-même au sein de votre groupe? Donc nous, en fait, on a un fonctionnement qui est unique par rapport aux autres collectifs qui font partie de la fédération. Donc anciennement, on avait Alternative Libertaire, donc il y avait un collectif situé à Paris, à Lyon, nous on est à Bruxelles. Et on a notre collectif Alternative Libertaire, donc maintenant Union Communiste Libertaire, à Bruxelles. On a un fonctionnement qui est unique par rapport aux autres collectifs français. Et donc le fonctionnement par front, c'est à Bruxelles, c'est le seul qui existe, quoi. Les autres fonctionnent pas par front. Après, pour l'ouverture des fronts, dans chaque front, il y a au moins une personne qui fait partie de ce qu'on appelle la coordination. Donc l'ouverture de front se décide en coordination. Donc pour ça, il faut au moins répondre à deux questions. Il faut que déjà que ce soit pertinent par rapport à notre ligne politique. Et puis il faut qu'il y ait surfer sur quelque chose qui existe au niveau social, quoi. Enfin, ça sert à rien d'ouvrir un front s'il n'y a pas de lutte sociale. Donc à partir du moment où il y a une lutte sociale et où c'est pertinent dans notre ligne politique, qu'on a les forces pour, on ouvre un front. Comme notre fonctionnement est spécifique et que comme notre fonctionnement est unique à Bruxelles et que les fronts s'ouvrent via la coordination de Bruxelles, les autres collectifs qui font partie de l'Union communiste libertaire n'ont pas du tout les mêmes fronts que nous et on n'a pas du tout besoin d'avoir l'aval de la fédération pour ouvrir un nouveau front. Et même si les autres collectifs fonctionnaient aussi par front, j'imagine qu'on n'aurait pas les mêmes parce qu'on vit dans des réalités différentes, que les luttes sociales sont différentes en fonction des endroits où on est implanté et donc on est assez autonome et indépendant par rapport à ça. Oui, c'est vraiment une spécificité bruxelloise. En fait, les seuls qui, à ma connaissance, ont adopté le spécifisme anarchiste comme mode d'organisation, c'était les camarades de la CGA Lyon, Voilà, je ne sais pas exactement comment ça se passe depuis la fusion, parce qu'ils ont fusionné avec le groupe local d'AEL à Lyon, qui ne fonctionnait pas de la même manière. Je ne sais pas s'ils utilisent toujours le spécifisme. Mais voilà, on est les seuls. Voilà, on a une fédération, donc ce qui constitue vraiment la base de l'UCL, c'est les groupes locaux qui ont une autonomie. Voilà, y a une certaine manière de s'organiser qui, voilà, collectivement au niveau de la fédération, mais les groupes locaux ont une autonomie en termes d'organisation, sur la manière dont ils vont s'organiser, les thématiques qu'ils veulent traiter, etc. Donc, voilà, à ce niveau-là, c'est, voilà, on est une organisation anarchiste, on s'autogère. Donc, Oui, et du coup, mais quand vous ne faites pas des fronts, qu'est-ce que vous faites alors ? Mais donc, il y a deux questions. Donc, en fait, les fronts, c'est des groupes internes qui nous servent, enfin, qui nous permettent de nous coordonner en termes de pratique. Après, l'objectif, évidemment, c'est s'impliquer dans les mouvements sociaux. Ça, c'est vraiment l'étape intermédiaire. Et l'objectif final, c'est vraiment s'impliquer dans les mouvements sociaux, dans les mouvements, dans les luttes locales, dans les luttes écologistes, dans les luttes sociales, etc. Et ça nous permet d'y aller de manière coordonnée, de pas y aller plic-ploc, chacun à gauche, à droite, chacun fait un peu comme il veut, enfin comme il le sent. On se dit, bah tiens, voilà, il y a telle lutte, qu'est-ce qu'on fait concrètement, c'est quoi qu'on a envie de porter dans le mouvement, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter, qu'est-ce qu'on a envie de défendre dans ce mouvement-là. On se dit, ok, bah c'est telle chose, on va y aller ensemble et on va essayer de le porter ensemble. L'objectif, c'est on se considère comme des animateurs ou des animatrices de lutte, et l'objectif, c'est voilà, de pas essayer de diriger le mouvement, de diriger les luttes, etc. C'est vraiment ça, c'est plutôt une conception léniniste, etc. Nous, notre objectif, c'est de proposer des choses, d'animer les luttes, etc. Et donc, au-delà des fronts, ce qu'on fait vraiment, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'être présent dans les luttes. Les spécifistes appellent ça avoir une pratique sociale, c'est-à-dire une pratique dans la classe, dans les classes opprimées, quoi. L'autre question, c'était par rapport au cercle concentrique, c'est ça ? Et donc, on a, au sein de l'UCL, on a deux modes d'organisation, c'est à la fois les fronts et à la fois ce qu'on appelle les cercles concentriques. Donc ça vient plutôt d'inspiration des théories de Bakounine, etc., autour de la fraternité, etc., enfin, à l'époque où il avait une action politique semi-clandestine, etc. Et donc, l'idée, c'est de dire que, en fait, il y a plusieurs niveaux d'engagement dans le collectif. Voilà, on sait très bien que tout le monde n'a pas un temps illimité à consacrer à son activité politique. Certaines personnes ont soit de travail, soit ont des enfants, soit ont des millions de raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas consacrer qu'un certain nombre de temps à l'organisation. Quand on est étudiant, par exemple, on a énormément de temps à consacrer a priori. Et donc, en fait, il y a différents niveaux d'engagement qui se calcule en temps, un des critères, c'est le temps, mais disons que c'est un temps relatif, parce qu'on sait très bien que on n'est pas à égalité au niveau du temps. Quand t'es une femme célibataire avec un enfant, ben forcément t'auras moins de temps que si t'es étudiant, mais c'est aussi lié à des questions d'oppression, donc on peut pas dire juste, ah ben non, t'as moins de temps, pas de chance pour toi, ben non, en fait, c'est un critère relatif. Et l'autre critère, c'est de dire, à partir du moment où on est une organisation avec une ligne politique relativement définie, qui peut évoluer, etc., il y a quand même un critère d'accord politique à avoir par rapport à cette ligne politique, par rapport à la ligne politique de l'organisation. Et donc, dans les fronts, enfin, dans les cercles concentriques, tu as trois niveaux, on va dire, à peu près d'engagement. Tu as les gens qui sont ce qu'on appelle militants à part entière, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont relativement beaucoup de temps à consacrer à l'organisation, mais en tout cas qui sont fondamentalement d'accord avec les principes que défend l'organisation. De l'autre côté, tu as ce qu'on va appeler plutôt les sympathisants. Les sympathisantes, c'est les gens qui vont être d'accord avec certaines parties de notre manifeste, ou pour X ou Y raison n'ont pas de temps à consacrer, donc ils viennent de temps en temps donner un coup de main pour faire telle ou telle chose. Et entre les deux, tu as ce qu'on on appelle les compagnons compagnonnes, c'est les gens qui, et c'est généralement en fait les gens qui veulent nous rejoindre dans l'organisation, qui en fait ne militent par exemple que dans un seul front, ce qui leur permet en fait de découvrir quelle est la ligne politique qui est défendue dans le front. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'écologie sociale concrètement, et qu'est-ce que ça signifie dans la pratique, comment on lutte pour l'écologie sociale. Et en fait, en faisant ça, ça leur permet aussi de découvrir, on défend aussi des positions féministes, c'est quoi les positions féministes de l'organisation, c'est quoi les positions syndicales de l'organisation. Et progressivement, s'ils se disent, ah ben en fait, moi je suis d'accord avec les différentes propositions politiques de l'organisation, ils disent, ils peuvent demander à devenir militant à part entière. Ça se fait sur le principe de l'accord, quoi, de vraiment le principe de libre association défendu par les anarchistes. Et ils disent, voilà, moi j'aimerais bien être militant à part entière. Est-ce que ça vous va? Et généralement ça va de soi. Et donc là, ils deviennent militants à part entière. Et donc voilà, c'est vraiment cette idée de cercle concentrique. C'est à la fois le temps que les militants peuvent consacrer, à nouveau de manière relative, mais surtout l'accord avec la ligne politique de l'organisation. Voilà, ça c'est l'idée, c'est un principe qui a été théorisé notamment par Bakounine autour de l'Alliance. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est pas d'être une organisation de masse, notre objectif, c'est pas d'être 500 000 en Belgique. En fait, on préfère être. Nous, on défend plutôt ce qu'on appelle une organisation de minorité agissante, c'est-à-dire un groupe plus restreint, mais de gens qui sont relativement sur la même ligne politique, qui leur permet d'agir collectivement, en fait, dans les luttes, etc. Et voilà, principe de minorité agissante, c'est aussi une idée anarchiste qui est défendue notamment par Bakounine au sein de l'AIT à la fin du 19e siècle. Est-ce que l'Union communiste libertaire se fédère avec d'autres organisations en Europe ou dans le monde? T'entends quoi par se fédérer? Peut-être pas se fédérer, mais je sais qu'il y a plusieurs fédérations ou ligues ou voilà, plusieurs tendances, plutôt syndicalistes, plutôt anarchistes, communistes. Ouais. Et ça change parfois. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler de ça. C'est surtout les gens impliqués qui sont très intéressés par ça, j'ai l'impression. Mais je me le demande parce que parfois, ça donne aussi une idée de où se trouve exactement une telle ou une telle organisation. Alors, officiellement, on est membre d'un réseau qui s'appelle Anarchismo. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà, c'est un réseau communiste, libertaire, européen, enfin mondial même. Voilà, après nous... On a essayé, au cours du temps, d'essayer de nouer des liens avec d'autres organisations qui ne sont pas forcément communistes libertaires, mais sur lesquelles on a assez... Enfin, dans la pratique, on a relativement de points communs. Voilà, par exemple, en Allemagne, on a pas mal... Enfin, en tout cas, on a collaboré de manière sporadique, notamment autour du G20, etc., avec des organisations comme UMSGANS, je ne sais pas si vous voyez, ou l'Interventionische Link. Voilà, on essaye un peu de travailler aussi avec les camarades de l'IWW, donc un syndicat révolutionnaire par exemple. En Angleterre, on a déjà travaillé avec des gens de Plan C, We Are Plan C, je sais pas si vous voyez. Donc il y a aussi un réseau qui se dit aussi communiste libertaire. Voilà, aux États-Unis, il y a une organisation qui est assez proche de la nôtre qui s'appelle la Black Rose Anarchist Federation. Voilà, en Amérique latine, du coup, il y a la FARJ ou la FAU. Enfin, voilà, c'est pas des alliances fondues, institutionnalisées, etc. Mais c'est parfois des collaborations entre organisations. Et évidemment, du coup, il y a aussi toute la question, par exemple, autour du Rojava, où du coup, on travaille aussi avec soit d'autres organisations anarchistes, soit des organisations voilà, de la gauche révolutionnaire de manière générale. Oui, peut-être qu'on peut parler un peu de ça, puisque aujourd'hui l'armée turque a envahi le nord de la Syrie, enfin surtout le côté est, là où les Kurdes et d'autres ont fondé un début d'une autre forme de société, disons. J'ai vu sur le site aussi de l'Union communiste libertaire que vous avez une certaine attention pour ça. Quelle est votre réaction aujourd'hui? C'est terrible, quoi. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Nous, c'est le processus révolutionnaire au Rojava, c'est un processus qu'on suit depuis quasi le début. Voilà, et c'est sûr qu'il y a des limites au processus révolutionnaire. C'est pas une révolution sociale comme nous, on l'entendrait en Europe, etc. Il y a, Il y a un contexte particulier, il y a une réalité particulière, il y a voilà, des, le fait que ce soit un territoire qui est pris dans une tourmente impérialiste entre la Russie, les États-Unis, la Turquie, d'autres forces encore, enfin, voilà, où il y a eu des alliances parfois, des alliances de nécessité avec les États-Unis, par exemple. C'est sûr que les États-Unis, ce n'est pas un allié du mouvement anarchiste et du mouvement ouvrier de manière générale. C'est sûr qu'il voilà, y a plein de réalités qui rentrent en compte. Mais par contre, on estime qu'il y a quand même un vrai processus au Rojava d'émancipation sociale, notamment d'émancipation des femmes, très important. La question écologique, la question démocratique aussi. Ils appliquent ce qu'ils appellent le confédéralisme démocratique. Enfin, plein de choses qui font que, de notre point de vue, c'était une nécessité de soutenir le peuple kurde. Et c'est sûr que, voilà, on s'attendait depuis longtemps à ce que la Turquie intervienne. Ça fait longtemps qu'ils le disent, etc. Et là, ça a l'air d'être effectivement un moment charnière au sens où l'offensive a l'air réelle, parce qu'il y a eu plusieurs ces derniers mois, il y a eu plusieurs annonces d'invasion turque au Rojava, mais là cette fois-ci ça a l'air relativement sérieux, sachant que voilà, le prétexte du gouvernement d'Erdogan pour attaquer le Rojava, c'est de dire qu'en fait le Rojava constitue une menace pour la sécurité intérieure, pour la sécurité de la Turquie, donc notamment par le fait qu'il y a une région autonome kurde qui existe à sa frontière et qui sert aussi, enfin eux ils accusent aussi de renforcer le mouvement kurde en Turquie notamment, et donc l'excuse officielle c'est de sécuriser la frontière. Donc ce que eux veulent faire, c'est soi-disant, c'est faire une bande de sécurité de 30 km tout le long de la frontière turque et syrienne pour soi-disant sécuriser la frontière, quoi. Évidemment, la grande peur, c'est qu'en fait, ils ne s'arrêtent pas à 30 km, mais que l'objectif, ce soit de reprendre l'entièreté du Rojava, et de, notamment, une des craintes, c'est à la fois une crainte de nettoyage ethnique, puisqu'ils ont déjà annoncé que leur objectif, c'était de renvoyer 1 million d'exilés syriens au Rojava. Alors ils disent oui, mais c'est des Syriens, etc. Mais en fait, ce n'est pas des Kurdes. Et donc l'objectif, c'est de faire des déplacements de population, ou en tout cas de remplacer une population par une autre. Et en fait, ça s'appelle du nettoyage ethnique, a priori. Et évidemment, l'autre crainte, c'est, il faut savoir que enfin, voilà, le nationalisme turc, qui est galvanisé par Erdogan, etc., il y a vraiment une volonté, enfin, des volontés de revanche vis-à-vis des Kurdes, et vraiment une crainte que, en fait, les camarades combattants kurdes des YPG soient vraiment livrés aux exactions de l'armée régulière et à la fois aussi des milices, puisqu'il faut savoir que la Turquie en fait a soutenu plus ou moins officieusement Daesh, a aidé Daesh, et notamment qu'un certain nombre de milices aujourd'hui qui combattent aux côtés de l'armée turque, c'est des anciens djihadistes de Daesh reconvertis en milice pro-turque, quoi. Et donc il y a aussi ce danger-là. Et donc voilà, c'est un gros danger pour le modèle confédéraliste démocratique du Rojava, et évidemment il y a beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que au sein de votre groupe, est-ce que, parce que j'ai entendu des mouvements aussi pour la lutte pour Kurdistan ici en Belgique, ils disent le mieux de faire pour soutenir Rojava, c'est impliquer ici aussi en Belgique ou dans d'autres pays européens vraiment le modèle qu'eux ils sont en train de... Ouais, juste avoir votre réaction dedans. En tout cas, c'est une question éternelle du mouvement révolutionnaire. Dans toute l'histoire, c'est la question de, on ne fera pas le socialisme dans un seul pays, et que voilà, effectivement le meilleur soutien, c'est de développer le processus révolutionnaire dans le pays dans lequel on est. Ça, c'est une chose. Voilà. Après, je crois qu'il y a un soutien spécifique à avoir, notamment vis-à-vis des Kurdes, notamment en faisant pression sur ceux qui soutiennent, qui financent, qui arment la Turquie. L'inverse. Ouais. Voilà, mais c'est sûr que c'est une question qui a toujours existé c'est de dire, ben voilà, en fait, effectivement, la révolution, elle doit être mondiale, elle doit être internationale, etc. Et que, effectivement, il faut développer le courant révolutionnaire dans son propre pays, etc. Et par rapport à ce que tu disais tantôt, Paolo, sur le fait qu'il y a eu des alliances que nous, on reproduit, qu'on essaierait de ne pas reproduire, je pense que ce qui est aussi important à dire, c'est que les personnes qui militent au Rojava disent elles-mêmes qu'elles n'ont pas l'intention d'ériger un modèle qui serait à suivre partout, et ils le disent tout le temps, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas voir ça comme un modèle, mais comme une manière d'expérimenter et de tirer des leçons, des erreurs, ou au contraire de ce qui réussit là-dedans. Et c'est pour ça que c'est aussi important, enfin, c'est important d'avoir ce genre de modèle politique qui vit et qui continue à vivre. Parce qu'en fait, c'est hyper nécessaire d'avoir ce genre de modèle pour l'avenir, surtout dans la situation actuelle, où les inégalités feront que s'accroître, et de même que les catastrophes écologiques, quoi. Non, non, tout à fait. Mais c'était juste parce qu'il disait « Où tu viens combattre là-bas avec nous, mais bon, alors tu... c'est pas sûr que tu vas... Allez, tu risques ta vie quand même, hein, dans le combat. » Ou... pour vraiment soutenir ici, faites quelque chose chez vous. Ouais. Ok, mais le temps passe énormément. C'est, oui, c'est, il y a plein de choses à dire, je pense. Mais donc on va vous réinviter. Hein, voilà. Mais donc voilà, mais peut-être par rapport à ce qui se passe, je crois que ça, ce qui est important aussi, c'est de maintenant c'est de pouvoir se mobiliser vraiment. Il y a des mobilisations qui vont avoir lieu, qui ont déjà eu lieu. Il y avait une mobilisation aujourd'hui. Place du Luxembourg, de la gauche kurde et de la gauche turque, et qui a été devant l'ambassade des États-Unis, qui s'est fait gazer d'ailleurs par les flics, etc. Voilà, donc normalement il y a encore d'autres il y a des mobilisations qui sont prévues samedi, a priori partout en Europe. Il va y avoir encore d'autres mobilisations, etc. Je crois que c'est vraiment important de se dire que, voilà, c'est clair que, comme disait Nora, le Rojava, ça représente quand même, dans la morosité actuelle, voilà, on est quand même à une époque où le capitalisme est à la fois en crise économique, politique, écologique, etc. Ça représente quand même un modèle, une inspiration pour beaucoup, et il faut le défendre, quoi. Et je crois que c'est plus que jamais l'heure de se mobiliser pour défendre le Rojava, pour être solidaire des camarades qui risquent leur vie là-bas. C'est une vraie guerre, quoi. C'est vraiment une vraie guerre. Je crois qu'on a du mal parfois à se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui meurent vraiment pour leurs idées. Au Rojava, et pour leur survie, en fait, juste pour leur survie, même pas pour leurs idées, mais pour leur survie. Et je crois que, voilà, en tant que révolutionnaire, en tant que libertaire, etc., aujourd'hui, on a quand même le devoir de se mobiliser. Enfin, c'est un peu, voilà, l'équivalent de l'Espagne 36, de toutes les révolutions qu'il y a eu au cours de l'histoire. Et on ne pourrait, enfin, à mon sens, ça paraît impossible qu'on reste spectateur et qu'on regarde ce qui se passe sans réagir. Tout à fait. Et toutes ces infos-là sur les événements, on retrouve sur votre... Vous avez un blog, vous avez un Facebook, ou c'est Indie Media, je ne sais pas si c'est Indie Media. Oui, enfin, en tout cas, on relaie quand il y a des appels, quand les camarades kurdes organisent des choses, on essaie de relayer un maximum. Sinon, on a un site qui s'appelle bxl.communistelibertaire.org. Et on a une page Facebook, mais je ne sais plus quel est le nom. C'est Union Communiste Libertaire, Bruxelles. Ah, voilà. Ok, ça va. Donc là, on peut retrouver tous vos événements et coordonnées. Ouais, tout à fait. Et en fait, donc dans les événements récurrents pour le moment qu'on organise, il y a tous les samedis donc la boxe en mixité choisie. Organisé par Nemesis. Tous les derniers vendredis du mois, on organise un café libertaire. Donc, l'idée du café libertaire, c'est une idée qui vient d'Allemagne, où ils organisent souvent des antifa cafés. Et l'idée, c'est vraiment c'est un moment où les gens peuvent se rencontrer, échanger sur les luttes. Voilà, c'est vraiment, il y a souvent des gens qui viennent de l'extérieur et nous expliquer, bah tiens, nous on fait telle chose, on a besoin de soutien, ou on a besoin d'en parler, etc. C'est un moment pour échanger sur les luttes. Donc ça, c'est tous les derniers vendredis du mois. Ce mois-ci, ce sera le 31, donc ça sera un jeudi, c'est le jour d'Halloween. On fera un spécial Halloween. spécialisme zombie capitaliste. Et voilà. Et alors, depuis ce mois-ci, on organise aussi, je crois que c'est tous les deuxièmes mardis du mois, on organise un ciné libertaire. Le prochain, ça sera sur une thématique féministe. Ça sera organisé par le Front féministe féministe libertaire. Donc voilà, ça c'est un peu les événements récurrents. Après, il y a évidemment toutes les mobilisations, les manifestations et autres. Et il faut que je me rappelle, mais il y a un événement de la santé en lutte. Il y a deux événements de la santé en lutte. Donc il y a une AG, mais je ne me rappelle plus de la date. Et il y a une soirée de soutien le 25, si je ne dis pas de bêtises, non, dont je ne me rappelle plus la date non plus, je vais me faire tuer par notre camarade qui s'y implique. Mais en tout cas, ils ont une page qui s'appelle La Santé en Lutte. Et donc, La Santé en Lutte, c'est un mouvement de travailleurs, travailleuses des soins de santé. Donc, pas seulement les infirmiers, pas seulement, mais vraiment tous les corps de métier dans la santé, puisque vous savez, tout le monde est au courant des problèmes de financement, des problèmes de cadence. Vous en avez parlé. Sur vos antennes, et donc il y a un mouvement qui se lance, il y a des camarades à nous qui s'y impliquent, et ils organisent des AG régulières, et ils organisent une soirée de soutien, et voilà, je m'excuse, je ne me rappelle plus de la date, mais ils ont une page Facebook qui s'appelle La Santé en Lutte, sur laquelle vous retrouvez toutes les informations. Et on peut aussi réécouter le podcast sur tranchedanard.noblogs.org. Voilà, donc bien merci pour votre explication. Merci à vous. Merci. Et toujours un plaisir de venir. Oui, la même chose. Et c'était, très bon éclaircissement, quand même, sur comment vous organisez, comment vous luttez. On passe encore une petite musique ou on va directement à autre chose? On t'a encore emmené en musique? Je crois qu'il y en a encore. Ah oui, alors, faites encore une, après on fait l'agenda. Un petit truc là. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga, levantarnos para decir llevar, ni África ni América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Cielo vamos. Bon, ben, bonsoir, vous êtes à l'écoute de... De Tranjana. De Tranjana. De Tranjana.